C'est là, c'est une spéciale pour tous les mecs qui se la racontent. Tous ceux qui font les shows. C'était un show. Quand il secouait la tête au volant de la 307 qu'il te montrait. Tous ses pépettes, c'était un show. Visière baissée sur ses quartiers. Mais il n'est pas ce qu'il paraît, son histoire. Je vais te la compter, c'était un show. Quand il secouait la tête, c'était un show. Au volant de la 307, c'était un show. Quand il te montrait tous ses pépettes, c'était un show. C'était un show. Ok, c'était un show qui faisait du bruit pour rien. Comment il se la racontait, ce petit pour rien. Casquette sur le côté, dans sa 307. Il est balèze, mais il perd toujours au tête à tête. Il se croit meilleur que les autres, mais ce n'est pas vrai. C'est toujours au mauvais moment qu'il apparaît. Parle pas si t'agis pas, je gifle, tu réagis pas. Tu me vises, mais je tire pas, alors pousse ton Beretta. C'était un show. Quand il secouait la tête au volant de la 307 qu'il te montrait. Tous ses pépettes, c'était un show. Visière baissée sur ses quartiers. Mais il n'est pas ce qu'il paraît, son histoire. Je vais te la compter, c'était un show. Quand il secouait la tête, c'était un show. Au volant de la 307, c'était un show. Quand il te montrait tous ses pépettes, c'était un show. C'était un show. Hey, tu sais quoi, ah, moi aussi je connais l'histoire d'un gars qui était trop chaud. Elle sur ma tête, comment il se la racontait celui-là. Elle rien qui parlait, il parlait. Ok, elle l'histoire, tu veux savoir c'est quoi. Elle ça fait ça, écoute, écoute. C'était l'histoire d'un de mes potes appelé Mito. Connu par Bouboule, DJ Click, pas plus souffert. Il cherchait le respect, s'endettait sur l'espèce. Mito n'est dans la tête, mais quelle tristesse. Mais t'as pas d'âme, tu sers que des Vivi. Vivi gars dans mon domaine, Vivi j'ai détecté les VPN. Dans la cité, Mitoman. Dans la cité, Mitoman. Dans la vie, dans les villes, dans les filles, dans les clips, dans la cité, Mitoman. Mais c'en est trop gros, le mec me tape sur le système. Déterminé à le terminer, lui qui me volait mes thèmes. Pas de chrysanthème, c'est qu'à 93 ppm. Rino tout ça y a le test, sur la scène c'est criminel. C'était un show, quand il secouait la tête au volant de la 307 qu'il te montrait. Tous ses pépettes, c'était un show. Visière baissée sur ses quartiers. Mais il n'est pas ce qu'il paraît, son histoire. Je vais te la compter, c'était un show. Quand il secouait la tête, c'était un show. Au volant de la 307, c'était un show. Quand il te montrait tous ses pépettes, c'était un show. C'était un show. Bouteille de Sky à la main, joint le seum à la bouche. Il croit qu'il est à jeun, mais regarde ses yeux louches. Il porte une veste en cuir quand il fait 30 degrés. Il a du mal à marcher parce qu'il est déchiré. En plus, il rappe avec son flow alcoolisé. Il se faisait raqueter quand il était au lycée. Il fait le caïd, mais il est bien meilleur que nous à l'école. Maintenant, il cherche son avenir au fond d'une bouteille d'alcool. C'était un show quand il secouait la tête au volant de la 307 qu'il te montrait. Tous ses pépettes, c'était un show. Visière baissée sur ses quartiers. Mais il n'est pas ce qu'il paraît, son histoire. Je vais te la compter, c'était un show. Quand il secouait la tête, c'était un show. Au volant de la 307, c'était un show. Quand il te montrait tous ses pépettes, c'était un show. C'était un show. C'était un show. Quand il secouait la tête au volant de la 307 qu'il te montrait. Tous ses pépettes, c'était un show. Visière baissée sur ses quartiers. Mais il n'est pas ce qu'il paraît, son histoire. Je vais te la compter, c'était un show. Quand il secouait la tête, c'était un show. Au volant de la 307, c'était un show. Quand il te montrait toutes ses pépettes, c'était un show. C'était un show. C'était un show.